Par mon souci, mais si te mords, souci, mais les faux qui l'aident, tout l'amour, l'ouest, l'est, l'eau, sud-sol. Assez qu'est télévision, mais faire vision, ça réalisait. Là-bas, ça fait une fiction. Zo, fait faille, couso, gagne la paix. Assez qu'est télévision, mais faire vision, ça réalité. Là-bas, ça fait une fiction. Zo, fait faille, couso, gagne la paix, la paix. La paix que je fais rôder, mais ici y'en a la paix. Par connex je fais houler, te ban frère, tu te ban frère. Est-ce qu'ils savent te faire rôder, te ban c'est qui pour souffrir. Est-ce qu'ils savent te faire houler, la guerre gangster qu'on gangster. Est-ce qu'ils savent te faire rôder, moi c'est qui m'en fait rôder. Faut de la paix continuer, l'amour propasé qui nous vise à l'unité. Hey, hey, hey, hey, hey. Otile dame na lele, dame na lolo. Maurice me zide, paix me zide natal. Otile dame na lele, dame na lolo. Maurice mon paradis remplaçable. Otile dame na lele, dame na lolo. Mopin a piris ki Maurice. Otile da ta li li li da ta li lo. Tout le jeune veya sa koule a ni peyi Maurice. Mo peyi, kote mo fine. Mo sante, ou ampli de te vale. Mo la sous, to mem ki bas pe devlopman. En bouton, ki lo la te poko ouve. Là-bas dans tes ironies, maudit ou mon frère, nous vivons dans l'harmonie, maudit ou mon sœur, nous vivons comme en famille, et dans la paix, l'amour, la soie n'a pas manqué là-bas, et ça qu'elle donne ce sacré. Otile dame la lélé, dame la lolo, Maurice, mosi d'épée, mosi natal.